vacation. In some stupid little town, a black killer Salut à toutes et toutes, la tribu, bienvenue dans la 140e Vampire Freak, chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite, mais aussi sur archive.org. Et oui, la tribu, c'est la 140e, c'est Spike qui débarque dans votre salon. On va s'éclater, c'est pas une émission live, spéciale au sens propre, mais il y a plein de live. On commencera tout de suite avec High Voltage de AC/DC. C'est sur l'album Health Radio de Legendary Podcast 1974-1979, édité en 2016. C'est un coffret 6 CD avec Bon Scott au chant. On retrouve Jailbreak, Problem Child, Kick in the Teeth, entre autres. Merci Bernard pour ce superbe son, pour cette même pépite même. On continuera avec Electric Crown de Testament. C'est sur l'album de Ritual, leur cinquième album sorti le 15 mai 1992. On retrouve Sign of Chaos, Deadline et Troubled Dreams. On continuera avec une nouveauté, Mysterious Lover de Devil Joe and the Backdoor Man. C'est sur l'album Pressure Wind, premier album sorti le 4 mai 2018. On retrouve I Wonder Why, I Got It et Sad Sad Mood. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes. Et ils sont chez Kebra Records. On écoutera une autre nouveauté, Un été français de Indochine. C'est sur l'album 13, leur 13e album, sorti le 8 septembre 2017. On retrouve Black Sky, La Vie est Belle et... Song for a Dream. Et on finira ce bloc en live avec Sunday Morning de Gregory Isaac. C'est sur l'album Live Reggae Regrets, sorti en 1984. On retrouve Tune In, Mr. Brown, Love is Overdue, un classique du reggae en live.

Vampire Freaks, l'émission radio où Spike débarque dans votre salon. Et le ciel nous attend. the night, yeah. When the morning, I've got my hands aflame. Thursday morning, I remember my heart is in pain. Yes, and Friday, fighting on my heart. Vous êtes la bienvenue dans la 140e Vampire Freaks et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de s'écouter High Voltage en live de AC/DC, Electric Crown de Testament, Mysterious Lover, le nouveau Devil Joe and the Backdoor Man, Un été français, le nouveau Indochine, et on a fini ce bloc en live avec Sunday Morning de Gregory Isaacs. On continuera cette émission en live avec Countdown to Extinction de Megadeth. C'est aussi le titre de leur cinquième album sorti le 14 juillet 1992. On retrouve Symphony of Destruction, This Was My Life et Psychotron, un grand classique. On écoutera ensuite No Voices in the Sky de Motorhead, c'est sur l'album 1916, leur neuvième album sorti le 26 février 1991. On retrouve The One to Sing the Blues, Going to Brazil et Angel City. On continuera ensuite avec Un jour en France de Noir Désir, c'est sur l'album 666 667 Club, leur cinquième album, sorti le 8 novembre 1996. On retrouve Fin siècle, Comme elle vient et le classique L'homme pressé. On continuera avec une exclusivité, Follow the Butterfly de David Slane Project, c'est aussi le titre de leur quatrième album qui vient de paraître. On retrouve Fear, Circles of Pain et Afterlife. On les retrouve sur Facebook, YouTube. D'ailleurs, le clip Circles of Pain est visible sur YouTube. On les retrouve aussi sur Bandcamp et toutes les plateformes numériques. Un petit like au passage, ça fait toujours plaisir. Et on finira ce bloc en live, avec Man in the Hills de Burning Spear. C'est aussi le titre de cet album sorti le 18 août 1976. It's good, no more war. Et People Get Ready, on retrouve du son culte. y a les beaux discours, aux poteaux les pourris, les corrompus aussi, dents blanches et carnassiers. Mais à la première occasion, chacun leur vient de relever la longueur, foire au pognon qui se trame ici à la danse avec Dionysus. Se rappelle de la France, ont des réminiscences de l'ordre, des jeux de l'essence quand on vivait mieux. Il y a des polémiques et on pouvait discuter, mais c'est Mickey qui a gagné, allez d'accord. Vampire Freaks, chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite et aussi sur archive.org. Rest anymore after working all day. I close my eyes, I think of younger days and all the dreams that I had when nothing was sad. Life is in black and white, day after day. I need rainbows in the sky, I need colors in my eyes, and a magic world where I can play. So I close my eyes once more and head for a different shore. I will follow the butterfly, I will fly away. I don't wanna die. When life is calling, I let it take me high. I let it take me far away. Now the time has come to live the dream. I need to spread my wings and forget where I've been. I hear voices whisper in the wind. I will see an open door and I know I'll get in. I will follow the butterfly. And if we should live up Dans la 540e Vampire Freaks, et c'est Spike qui débarque dans notre salon. On vient de s'écouter Countdown to Extinction en live de Megadeth, No Voices in the Sky de Motorhead. On a eu ensuite Un jour en France de Noir Désir. On a eu cet excellent morceau Fallout de Butterfly, l'exclusivité de David Slame Project. À noter un petit like au passage, ils sont vraiment excellents. Et on a fini ce bloc en live, ben moyen, Man in the Hills de Burning Spear. On continuera cette émission en live avec Rude Boy Ska de Gladiators. C'est sur l'album Tragetown Mix Up, leur premier album sorti en 1976. On retrouve Bellyful, Soul Rebel et Teeth in the Night, du bon son reggae. On écoutera ensuite Living Through Me, Hellswraith de Pantera. C'est sur l'album The Great Southern Turnkill, sorti le 7 mai 1996. On retrouve Warner, Tenth et 13 Step to Nowhere. Un classique de ces classiques. On aura ensuite Run, Run, Run de Velvet Underground. C'est sur l'album de Velvet Underground et Nico, leur premier album sorti le 12 mars 1967 qui a été réalisé par Andy Warhol. On retrouve I'm Waiting for the Man, Heroine, Venus in Furs. Je vous gâte cette semaine pour cette spéciale 140 sur en son culte. On écoutera ensuite Le Roi de Ménilmontant, le nouveau Stigmate. C'est sur l'album Sans Couleur Fixe, sorti le 1er décembre 2017. On retrouve La Vie est formidable, Finir ce qu'il ne me reste à faire, et Dans mon quartier, on les retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes numériques. Un petit like au passage, et on finira ce bloc en live avec Dropkick Murphys et Chaos in the Jar. On retrouve sur l'album Do or Die, leur premier album sorti le 27 janvier 1998. On retrouve Cadence to Arms, Get Up et Fine Against Wake, le seul album avec le chanteur d'origine. This one is called Rude Boy Ska. Why? Show me the way to Bali. about now? We are coming to an end. But before we go, I want to say special thanks to two of our elders, Mr. Robbie Forbes. Let me hear you say, yeah, for the man, Mr. Robbie Forbes, the man who has started off with such a, like we would say, electric. Now let me hear you say, yeah, proper the man. For the man, Mr. Max Romeo, a man who have put out hits behind hits in Jamaica Live. Three Blind Mice, Let the Power Fall on I, War in a Babylon, Uptown Baby Don't Cry. Yes, Mr. Max Romeo, yeah! Now I want to send special thanks to the engineer out there. You are one of the best, Mr. Engineer. Believe me, I said so. Yes, that is it. Yeah, for the engineer. Now let me say hi to our boss. I want to hear you make a big shout for Mr. Michel. And I want to say special greetings to my everlasting brethren, Mr. Aziz. Rastafari! But most of all, let me say thanks to you, Mercy Boko, for being so kind and true to the Gladiators. Do you love the Gladiators? Gladiators. Now you take care of yourself. Stay as sweet as you are. And remember, you all are stars. Those of you who cannot understand me in English, those of you who can understand, I want to tell your friends what I'm saying. I said you all are stars. Let your voice be heard. Yes. Love is lovely, war is ugly. Let's shine together and feel all right. Do you want a little peace more? Hit me with music. Willing to please you. I said when you're happy, you make the Gladiators happy too. When you smile, you make me smile too. When you said yeah, you make me say yes. Yeah! Vampire Freak chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite. Must be saved gonna take a walk down Union Square. You never know who you're gonna find there. You gotta run, run, run, run, run. Take the dragon too. Run, run, run, run, run. Jibs are dead for you. Hey, what to do? Margarita Passion, I had to get her fixed. She wasn't well, she was getting sick. Went to sell her soul, she wasn't high. Didn't know, think she could buy it. She would run, run, run, run, run. Take the dragon too. Run, run, run, run, run. Chips to death in you. Tell you what to do. Had a golden nose, hobnail boots, wrapped around her toes. When she turned blue, all the angels screamed. They didn't know, they couldn't make her sing. She had a run, run, run, run, run. Take a dagger too. Run, run, run, run, run. Chips are death in you. Tell you what to do. What a waste, couldn't even get, say, small town taste. Rode the trolleys down to 47, figured beef was good, you get yourself to heaven, cause that a run, run, run, run, run, take a dagger too. Run, run, run, run, run, jibs are death in you. Hey, what to do? Invisible avec son chien s'accrochant au malin, ne se soucie jamais de son destin. Son caddie triste mine, un trésor bien caché, juste un peu de famine. L'histoire remplacera la colère d'avoir perdu sans renoncer. Dormir la nuit sur un banc du quartier de Ménilmontant, pendant que tous avancent bien tranquillement. Jalouser les badauds, les passants et parfois quelques amants. quartier, 10, 15 ou 20 ans à y traîner. Il s'est laissé enfermer, jure de ne pas s'évader. Prends pas la route, ça sent la liberté. Feeling that my time's a coming. Vous êtes toujours dans la 140e Vampire Freaks et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de s'écouter Rude Boy Ska en live des Gladiators, Living Through Me, Elsewhere de Pantera, Run Run Run du Velvet Underground, Le Roi de Ménilmontant, le nouveau Stigmate, et on a fini ce bloc en live avec Coffed in a Jar de Dropkick Murphys. On continuera cette émission en live avec Rock de Casbah des Clash, c'est sur l'album Combat Rock, leur 5e album sorti le 14 mai 1982. On retrouve Should I Stay or Should I Go, Straight to Hell et Death is a Star du punk culte. On écoutera ensuite une nouveauté, même une exclusivité, World Story de Papaya. C'est sur l'album Divergence, un EP City sorti en août 2018. On retrouve Money, World Story, Volteface, Esperanza, Lifesteal et Mixdub. On les retrouve sur Facebook, YouTube. D'ailleurs, le clip de World Story est visible sur YouTube et sur toutes les plateformes numériques. Et un petit pouce bleu pour ce groupe-là, ça serait excellent. On aura ensuite une autre nouveauté et même une exclusivité, Such a Remarkable Day de Charlotte Gainsbourg. C'est sur un EP à sortir, 5 titres à apparaître bientôt. 2018, c'est une année triomphe pour elle et des nouvelles très vite. Je vais essayer de vous l'avoir. Je demanderai. D'ailleurs, je tenais à remercier Emilien Evariste de m'avoir fait passer ce titre. On continuera ensuite avec She's Got It, une nouveauté et même une exclusivité aussi de They Might Be Freaks Punk. C'est sur l'album Mots Croisés, Verveine et Balmusette. Enfin, c'est un EP 5 titres qui vient de paraître. On retrouve Preacher, She's Got It, Isolation, I Can Dance et I Will Be Me. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes numériques. Et on finira ce bloc en live avec L'Espérance et le Refus de Massisteria. C'est sur le live au Trianon, leur 4e album live sorti le 15 juillet 2016. On retrouve Chien de la Casse, Tout est poison et l'enfer des dieux. Rock du Casbah, Rock du Casbah. Now the king told the boogeyman, you let that father drop. You're down the desert way, shaking to the top. Shaking to the skyline, cruising down the bay. Who's the one standing? Oh, radiator gray. Jerry don't like it. Rockin' the Casbah. Let's get up, pick it up. Soon as you shower it, clear the square. They began to wait. I really don't like it. Rockin' the Casbah. Says cool boy, to take that chance and day. But as the wind changed direction, the tempo back to fight. Wow, got a win of that crazy Gavacha. So we don't like it. Rockin' the Casbah. Sheriff, in the square, they began to wait. Sheriff don't like it. face à l'humanité. Le temps nous est compté, affrontons la vérité. Il ne faut pas se cacher, la lumière va nous guider. Le combat est partout, on ne peut l'éviter. Il ne faut pas se sauver face à l'humanité. Le temps nous est compté, affrontons la vérité. Il ne faut pas se cacher, la lumière va nous guider. Le combat est partout, on ne peut l'éviter. Dans mon route, il n'y a pas de bataille. Pas besoin de plein d'oseille, mais juste un peu de ripaille. On voit sans cesse le peuple qui se bat pour de la maille. Comme des animaux sur leur dos poussent des écailles. Se faire manipuler, oui ça nous fait mal. Leurs vraies intentions, non jamais ils ne les dévoilent. Ils cachent la vérité, ils disent que c'est pour notre mental. Le monde est bien triste et tous les jours ils déraillent. Il ne faut pas se sauver face à l'humanité. Le temps nous est compté, affrontons la vérité. Il ne faut pas se cacher, la lumière va nous guider. Le combat est partout, on ne peut l'éviter. Il ne faut pas se sauver face à l'humanité. Le temps nous est compté, affrontons la vérité. Il ne faut pas se cacher, la lumière va nous guider. Le monde a ses trésors, il faut les préserver. Parfois c'est vrai, on me dit que je parle trop. Mais mon esprit est libre et il est rempli de mots. Je m'exprime en musique, que ce soit en fa ou en do. Je ne veux que la vérité, mais je n'aime pas les mythos. On peut nous mettre des tas de choses, oui oui, sur le dos. On garde les yeux ouverts, on va que le monde est plus très beau. Ils nous disent de nous taire, ils nous forcent au repos. Les médias savent le faire, ils nous prennent pour des blaireaux. Vampire Freaks, émission radio où Spike débarque dans votre salon. Les temps ne sont plus aux larmes, au regret de ce qui fut. Nous gauche. On aurait dû voter à droite en fait. Valls. Macron. Antisocial. L'espérance et le refus, tiré d'un poème de la résistance. Ça tombe bien aujourd'hui, ils veulent faire une loi pour qu'on soit tous esclaves. Et c'est une loi qui est votée par la gauche. Vous êtes toujours dans la 140e Vampire Freaks et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de s'écouter Rock the Casbah en live des Clash. World Story, l'exclusivité de Papaya. Such a Remarkable Day, l'exclusivité de Charlotte Gainsbourg. She's Got It, l'exclusivité et la nouveauté de They Might Be Punk. Ouais, pouce bleu aussi hein, sur They Might Be Punk et sur Charlotte. Et on a fini ce bloc avec l'espérance et le refus en live de Mass Hysteria. On continuera cette émission en live avec Words of Wisdom de Dennis Brown. C'est aussi le titre de cet album sorti le 15 juin 1979. On retrouve Don't Feel No Way, Cassandra, Money in My Pocket, du son culte. On écoutera ensuite Big Boss, le nouveau Offside, c'est aussi le titre de leur EP, sorti le 2 décembre 2017. Ils sont québécois. On retrouve Big Boss, Two Face, Better Day, From Better or For Worth. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes numériques. Un petit coucou en live à tous mes copains. Nicto de la Funky Family, c'est au Live Paléo Festival, sorti le 25 novembre 2016. On retrouve Haute Tension, Petit Bordel et Art de Rue. Ils doivent retourner en studio, j'ai pas mieux de nouvelles. Ouais, j'avais envie de pour se foutre un live comme ça en plein milieu du bloc. On continuera ensuite avec La bière va couler à flot des Enfants perdus. C'est sur l'album Après nous les mouches, sorti en 2016. On retrouve United Oi, Bastard et Addiction. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes numériques. Et on finira ce bloc en live avec Narc in Ghetto de Beton Todd. C'est sur l'album 1000 fois live, sorti en 2018. On retrouve Glockhouse, Schwarzesblut et Firefly. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes numériques. Ils sont sur Nuclear Blast. Allez. Things of old, that not wisdom and knowledge search for to rise. To you, O children, I cry. Words of our mouth speak righteousness. Days of our life will tell. Take heed of the works of Jehovah. Man, you will surely get. After the heart is sorrowful, your folly is your reward. Better a dinner of herb where love is than feasting where there is war. Words of thy mouth speak righteousness, days of our life will tell. Take heed of the works of Jehovah, all men you will surely fail. live it up. We'll be right back. Vampire Freak chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite. Avoir un réseau de gosses à vendre sur internet, vu qu'il y a tout un tas de fils de pute touché à ces petits êtres. Je déteste ceux qui débarquent chez toi, t'enlèves tes meubles au milieu de tes gosses qui pleurent, ceux qui t'arrêtent histoire de te faire passer un sale quart d'heure. T'accables, t'es condamné, c'était une dispute avec leur femme. Mi-ange, mi-démon, j'ai pas choisi mon camp entre le mal et le bien. Mon cœur balance selon les cas de besoin. Il n'est innocent ni toi ni moi. En fait, on est ni si mauvais ni si bon qu'il croit. Mais où sont nos places dans la rue, au milieu des jeunes? Mes assos et moi sont mis pour mort à leur outil des jeunes. Tu dis à tes enfants de pas fréquenter les fauves qui vagabondent. Nous en rôde fraude, je crois que les signalements correspondent. Mais à ce faute grave, on s'interroge. Les lyrics dévergondent. Normal, on fait sortir tout ce qu'il y a à l'intérieur. Range, je crois jusqu'au jour merveille nos rôles. Élève du grand maître, tu sais que seul lui contrôle. Ceux qui ont le pouvoir nous traitent de démons. Et ça les amuse, on représente ce que nous aimons. Ils nous accusent de violer la loi. Exact, on en abuse, le choc est inévitable. Marquer l'histoire, ton empreinte inimitable. Entre infraction et bonne action, entre joie et déception. Vaut mieux essayer de vivre, vu qu'on meurt tous et qu'il n'y a pas d'exception. Donc on fait ce qu'on peut, poupée. Ça n'empêchera pas la terre de tourner. Mes frères se font capturer, comment se saturer? Heureusement que les proches sont là pour les rassurer. Sinon imagine comment on saturer, comment s'attirer. On pourrait jurer de faire le mal, vu que tout fait qu'empirer, putain. J'aime la vie, même si parfois c'est l'enfer. Je parle des mauvais côtés, normal, y'a bien quelqu'un qui doit le faire. L'admiration et le respect qu'il porte, frère. Resteront vivants longtemps après mon séjour sur terre. Mais pas ça que pour la caille quand même. Sinon tu le saurais, c'est pas dans la cave qu'on t'emmène. Sinon tu fuirais, ça sonne nul ou pas le clan. Normal ça sent le vrai. Quand tu peux poser problème, mais on est prêt. Prêt à blesser, à rabaisser, à abuser, à rien laisser, à représenter jusqu'au décès. Tu désires nous baiser, et bien essaie. Vas-y, fais nous stresser. Ma vie contrarie, parfois je m'en t'effrayer. Certains essayent de tuer le mal par le bien, mais ils restent éveillés. Vous qui apprenez, vous le savez, vous qui enseignez. Quoi que vous ayez, faut que vos élèves soient enseignés. Dites-leur que chaque homme au pouvoir soit traîné. Et que depuis la misère est pris dans nos corps de sa haine. Et c'est ce que vous craignez. Si ça continue dans ce rythme, c'est pas dans la mer mais dans le sac qu'on va se baigner. C'est la mer et ça sent à 1000 km. Viens de Marseille, raconte le vrai, tu sais plus où te mettre. Mais j'avance le sujet de manière incommode. Vu que ça déborde et que c'est le désordre, critique pas la méthode. À force de vivre dans la débauche et le stress, la jeunesse comme la vieillesse sont fans de fric, de vitesse, de sexe et d'ivresse. Chacun est vivant sans pif. On est tous pour pire, donc tous rempire. Nous traînons de mauvaises graines. Mauvaise réputation, mauvaise air, mauvaise fréquentation. Comment s'appelle ma section? Fallait qu'on avertisse. Je fais le job à ma façon, qui t'a passé pour un service. Soldat, sans avoir fait le service. Avec ce qu'il faut à la maison, ça peut toujours servir. Enfoiré, tu prêt? Ouais. Qui sait, c'est le m'arrêter avec le ré. J'ai déjà passé sans pied de biche. Notre truc attire un peu plus, comme les vieilles de riche. Pour une chaîne sans niche, donc ça s'appelle Espéra. Du calme, mon cheval, Desperado. Wanted, mais le shérif ne fait pas très peur à Choa. Je vais pas mentir aux Antilles, moi qui vends Joao. Je répète qu'on est prêt à abuser. Cette fois-ci, ma croisière, ça va pas s'amuser. Fais pas ça que pour la caille quand même. Sinon, tu le saurais. C'est pas dans la cave qu'on t'emmène. Sinon, tu fuirais. C'est soit nul ou pas le clan M. Le mal, ça sent le vrai. Les trucs, ils peuvent poser problème, mais on est prêt. Prêt à blesser, à rabaisser, à abuser, à rien laisser, à représenter jusqu'au décès. Tu désires nous baiser, bien laisser, vas-y, fais-nous stresser. On nique tout. On nique tout. C'est unique tout les gars. FF style, c'est unique tout. FF style, c'est unique tout. FF style, c'est unique tout les gars. FF style, c'est unique tout. FF style, c'est unique tout les gars. Yeah, c'est unique tout. Nion, c'est unique tout les gars. Yo, yo, c'est unique tout. Nyan, c'est unique tout les gars. C'est unique tout les gars. Explosiv, wir leben im Ghetto und Beton, man aggressiv, es wird Nacht im Ghetto, es wird Nacht On vient de s'écouter Words of Wisdom en live de Dennis Brown, Big Brother le nouveau Offside, Nick 2 en live de Funky Family, La bière va couler à flot des enfants perdus et on a fini ce bloc en live avec Narf in Ghetto de Beton Todd. 740e Vampire Freaks touche malheureusement à sa fin, je vous remercie encore de l'avoir suivi. Laissez-moi vos messages et dédicaces sur la page Facebook de l'émission Vampire Freaks, l'émission radio. Si vous souhaitez diffuser, ben, contactez-moi sur la page Facebook. On finira avec le morceau La Zizanie, bande originale du film La Zizanie, sorti en 1978 de Vladimir Kosma. On retrouve les morceaux comme Petit Chèque, Gros Chèque, Le Bon Choix et Cadence Infernale. À la semaine prochaine, même heure, même endroit, sur votre voix radio favorite. Et n'oubliez pas, Vampire Freaks, c'est l'émission radio où Spike débarque dans votre salon. Salut à toutes et toutes, la tribu!